mentías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Et on continue toujours dans notre playlist du Nouvel An avec Você Não Vale Nada. Esse sofrimento não tem explicação. Já fiz quase tudo tentando te esquecer. Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Aí já não lhe quero, o amor me deu ouvidos. Por favor, me perdoa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher! Continue toujours dans la même ambiance, dans la même énergie. N'hésitez pas à nous appeler, à m'appeler au 02 38 43 48 00 pour peut-être me donner des titres de musique que vous allez écouter au Nouvel An, que vous allez partager avec vos amis, vous allez faire la fête et je vais dimitrer. Du coup, on continue avec Chica Chica Boom Chic de Iveta Sangalo. Oh! Et on change un peu de thème de musique. On va passer à du latino, une musique emblématique que je pense que tous les jeunes et tout le monde écoutent à des soirées comme le Nouvel An. Pepas de Farruko. Arc-en-ciel,

On espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez bien mangé, bien bu, mais avec modération, que le Père Noël, est passé et que vous avez vu tous vos cadeaux. Et bien sûr, vu qu'on est des Portugais, pour la prochaine musique que vous devez peut-être déjà entendre, j'espère que votre, comme on a pu parler samedi dernier et dimanche, que les Portugais mangeaient de la morue traditionnellement à Noël, j'espère qu'elle a été très bonne et que vous avez passé un bon moment en famille. Du coup, on écoute. Buscar tomar vinho contigo era como antigamente. Lá chegamos à adega, tu disseste de repente: encaixa, encaixa, vou devagar. Encaixa, encaixa, passa aflita. Encaixa, encaixa, deixa-me espiar. Tanto vinho e eu a segurar na caneca. Como somos distraídos, deixamos a torneira aberta. Íamos nós para a cozinha, simplesmente eu me lembrei em pensar só na torneira. Ai, meu Deus, que eu não a fechei. Nós voltamos à adega, enganamo-nos sem querer. Só estava desapertado, mas tu voltaste a dizer: encaixa, encaixa, vou devagar. Encaixa, encaixa, passa aflita. Encaixa, encaixa, deixa-me espiar. Encaixa, encaixa, a torneira na pipa. Encaixa, encaixa, vou devagar. Encaixa, encaixa, passa aflita. Encaixa, encaixa, deixa-me espiar. On poursuit avec une demande de Nolan et de Zozo pour moi-même. Je les remercie et je leur souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec une musique que forcément tout le monde connaît. Amayon, amayon. Foi um cacheirinho, outro rim, tim, tim, tim, tinha as pernas tortas. Foi um

La prochaine musique, comme vous avez peut-être pu l'entendre, est demandée de Sandra, qui est fan de Kalema et qui la met souvent pour le nouvel an. Donc on l'écoute. Inspira, pull away. Essa, pull away, pull away. Vem dançar o pull away. Vem dançar, chérie, ma chérie. Regardez, pour toi, ma chérie. Oh, oh, oh, oh. Pull away, chérie. Vem dançar, pull away. Aqui quem dança faz o chão tremer. Quem não dança vai ter que encostar. Se não sabes, vais aprender. Não aprender. Vai ter que dançar na dança do Olawe. Olawe. Na dança do Olawe. Olawe. Zubulu com manaquete. Não sei se tu vais aguentar. Zubulu com manaquete. Sei que hoje vai ter que dançar na dança do Olawe. Olawe. Na dança do Olawe. Olawe. Todos os patinhos que não sabem bem nadar. Ligadão na pista a dançar o pull away. É só pull away. Respira, pull away. É só pull away, pull away. Vem dançar o pull away. Vem dançar, chérie, ma chérie. Regardez, pourquoi ma chérie. Oh, oh, pull away, chérie. Vem dançar, pull away. Que louco, amém. Más solo, que lo coge, me la quito, yo que más solo, que lo coge, me la quito, yo que más solo, que lo coge, me la quito, yo que más solo. Ae, pula we llegó, ae, con le vi franga con no, ae, pula we llegó, con le vi. Ma solo, que lo coge, me la quito, yo que más solo, que lo coge, me la quito, yo que más solo, que lo coge, me la quito, yo que más solo. J'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie, en cette playlist de Nouvel An. On va poursuivre avec un titre incontournable sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, qui est mondialement connu, qui fait son succès en ce moment. On écoute. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar. Me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal. Ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte. No quiero ver nada posible.

Alors, les établissements Mariano se préparent à vous faire passer de très belles fêtes. Une multitude de produits festifs vous attend dans notre magasin 1 rue de l'Orme, gâteau à ce mois. Vous trouverez nos produits, nos gâteaux traditionnels, nos apéritifs, ainsi que nos différents beignets et bien d'autres produits pour l'occasion. Dépêchez-vous également de venir chercher vos choux de Noël et les navets, les fruits, bien sûr. Alors, comme vous pouvez entendre la musique de derrière, une musique vraiment très connue, qui fait bouger en soirée, qui fait s'ambiancer. On écoute. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela veste com o bumbo no chão, quando ela joga seu bumbo no chão, chão, chão, chão, chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbo no chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbo no chão, quando ela joga seu bumbo no chão, chão, chão, chão, chão. Poursuivre avec un groupe que la région Orléans connaît forcément, Capanegra. Du coup, on écoute Simple Bombard, leur titre officiel. C'est que vont gostar de nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar. J'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à m'appeler au 02 38 43 48 00 pour toujours continuer dans notre playlist de Nouvel An et me dire vos titres que vous écoutez. Prochaine dédicace, je la dédicace encore moi-même pour ma maman de m'avoir encouragé d'être là et bien sûr à toute ma famille, ma marraine, mon papa, ma belle-mère, mon beau-père, mes tantes, mes marraines. Je vous remercie tous et on écoute Unica Moya. Que até magoou. Sim, eu digo tantas coisas feias. Oh, alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não liga, não. O que na raiva eu te digo, pois é ela falando. Sempre segundo em que cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar. Que vuela, tiene una gana que no se congela. Se puso caliente, sacó las espuelas, ya no vino. Pour les prochains thèmes de nos prochaines émissions que nous allons avoir mercredi prochain, n'hésitez pas à m'appeler pour savoir quel thème désirez-vous et avec ce thème-là, quelle musique aimeriez-vous écouter. Et pour cela, vous aussi pouvez nous suivre, du coup, comme je l'ai dit au début, sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook avec vos radios. Vous tapez au soir Radio Arc-en-Ciel dans la barre de recherche et vous trouverez le compte avec vous. N'hésitez pas du coup à nous abonner, vous suivre et répondre à tous nos sondages qui vous seront proposés pour nos prochaines émissions. Haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Ah, ah, ah, loca pa' bailar. Loca pa' bailar. Loca pa' bailar. Haga pru, haga pru. Tra, tra, pégate aquí atrás. Tra, perreame, tra, tra. Sabes que te prendo con mi tra, tra, tra, tra. Pégate aquí atrás, tra. Fiché sur le bigo, me demande pas ce que je fais. Je suis toujours en train de remplir les frigos. À la base c'était pas moi, à la base t'étais pas là. J'augmente les prix comme Marlboro, j'fais comme les mecs en Costa. Madame m'appelle, j'réponds âme. J'veux des vacances loin de Paname. On prend la fuite, on dépose des armes. Chemise ouverte sur le canapé, bébé Samé. Chaque jour de la semaine, je veux toi, bébé Samé. En portugais, en français, lingala. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar. Yo estoy fácil. Pour la prochaine musique, c'est une demande de Zoé qui écoute cette musique et voilà, on voulait qu'on la fasse. On lui souhaite de très joyeuses fêtes. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. Eu traigo en la boca lo que siempre busca usted. E não roça, Mr. Queen.

va continuer avec une demande de Ophélie, Trinix et Mori Rio, une musique vraiment très connue. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, bah, bonne découverte. Avec une demande de Maël de Timéo, une musique qui va vous faire bouger. Magic System, levez les mains en l'air. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite Et on va bientôt nous devoir nous quitter, mais on continue toujours en musique avec Kalema Perfume, demandé de Ricardo pour Karine et Alexandre. Mais um oi, é como se eu não valesse. Aquela noite à dois, ninguém chega tão bem, ninguém faz como tu. Chega, manda mensagem, responde aos meus áudios. Ao menos inventar, e diz que me ligas depois. Sozinha não esquentar, meu cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurar. Se já não queres a minha cama, então desvale o perfume que eu ofereço a outra dama. E quando eu for beijar, eu deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo, deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo, beijo. Nossa próxima vez, imagina. Quere, quere, quere. Minha cama. Quere, quere, quere. Minha cabela. Que te vê. Responde. Ao menos inventa. E diz que não ligas depois. Sozinha não esquenta. Minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou. Merci pour cette belle dédicace et on souhaite à toutes les personnes qui m'ont appelé aujourd'hui pour demander des musiques et tout, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et bien sûr à tous nos auditeurs. On va continuer encore avec une demande de mon grand-père, une musique et un groupe qu'il adore, Toca Dance. Olha lá e vai ser assim. Opa! Essas palmas lá em cima. Vamos mandar a chuva embora. E subir. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Yeah. Continue avec notre dernière dédicace de notre émission de la part de Madame Moutineau pour m'encourager, je la remercie fort, et pour tous nos animateurs et ceux qui ont créé cette formidable association, la Radio Arc-en-Ciel. Merci à eux, merci à nous, on la remercie aussi et on lui souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Yeah. fini notre émission de Nouvel An, toujours ambiancé, toujours motivé pour fêter cette belle fin d'année, l'année 2023. Je vous remercie toutes les personnes qui nous ont appelé aujourd'hui, qui nous ont fait des dédicaces, qui nous ont permis de vous faire partager de belles musiques pour se réveiller, ce réveillon de fin d'année. Je souhaite à tout le monde de bien fêter cette fin d'année en musique, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et c'est pour moi de l'heure de vous quitter, malheureusement, mais on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, même heure, même jour, pour avec un nouveau thème qui sera, donc, comme je l'ai dit, évoqué sur nos réseaux sociaux avec vous. N'hésitez pas à s'abonner à nous et voilà. Je vous souhaite de très belles fins d'année, un bon nouvel an, comme nous on avons pu s'ambiancer aujourd'hui, que vous allez bien vous ambiancer avec vos amis, vos familles. On vous souhaite au revoir et à très bientôt. Samedi 3 février 2024, Radio Arc-en-Ciel organise son bal des amoureux au Bail d'Ouj Namourach. Pour la première fois sur Orléans, Zé Amaro et son orchestre venu du Portugal. La première partie sera assurée par DJ Mocker. Vente des billets en pré-vente à 15 euros dans les locaux de Radio Arc-en-Ciel ou au 07 60 18 65 41 ou bien au 02 38 43 50 0. Prix du billet sur place, 20 euros. Enfants de moins de 10 ans, gratuit. Réservez vite et venez nous rendre visite le samedi 3 février. Ouverture des festivités à partir de 20h avec un service snacking sur place. Le 3 février à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, le grand Zé Amaro et son orchestre, venu du Portugal. Et DJ Mock nous fera danser au départ, mais aussi à la fin. Reste avec nous. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Recusa a existência de uma supressão deliberada e sistemática de conteúdos sobre o que está a acontecer na Palestina. Os responsáveis pela página Palestina em Portugal.